désolé. Je tourne la page, j'ai choisi d'abréger mes mots. Je parle pour un dernier voyage au paradis, chanter mes mots. Je vous tire ma révérence, je mets un terme à mes douleurs. Ne regrettez point mon absence, je vais là où poussent les fleurs. Dans cette vie un peu bohème, où j'ai vécu mes plus beaux jours, entre une prose et un poème, gravé dans mon cœur pour toujours. Désolé, je tourne la page, j'ai choisi d'abréger mes mots. Je pars pour un dernier voyage au paradis, chanter mes mots. Je vais rejoindre un autre monde, un jardin de sérénité, sans guerre, sans misère et sans bombe, un bonheur pour l'éternité. Je vous tire ma révérence, je mets un terme à mes douleurs. Ne regrettez point mon absence, je vais là où